Nous irons tous sur Internet, c'est sûr c'est la plus jolie des planètes. Nous resterons bien connectés, rien ne pourra nous arriver. Nous vivons tous sur Internet, car c'est la plus chouette de toutes les planètes. Si nous restons devant l'écran, nous n'aurons jamais mal aux dents. Nous mourrons tous sur Internet, car ce n'est pas le trépas le plus bête. Si nous restons bien connectés, nous arrêter. Nous resterons sur Internet et l'on pourra tous se faire boîte-boîte. Plus besoin de fumer des cigarettes, on est tous passés sur disquette. Car nous irons sur Internet, c'est sûr c'est la plus jolie des planètes.